Et donc c'est ça qui l'a réveillé. Le compagnon Safwan ibn al-Mu'attal, quand il a vu, il a dit ça: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah que nous appartenons, et c'est Allah, c'était vers Allah que, c'est vers Allah Azza wa Jal que nous retournerons. Lamma arafa Aisha wa annaha Aisha kana yaqul inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Quand il a reconnu Aisha, il n'a pas arrêté de dire ça. Hein, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers Allah que nous retournons. Aisha radiyallahu anha, ماذا صنعت? Qu'est-ce qu'elle a fait Aisha radiyallahu anha? فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. Qu'est-ce qu'elle dit Aisha radiyallahu anha? Elle dit: j'ai remis mon gilbab, c'est-à-dire qu'elle a remis son gilbab sur elle et sur son visage. Et elle dit: par Allah, nous n'avons dit aucune parole. Hein? Et je n'ai entendu de lui aucune parole si ce n'est le fait de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Comme Aisha radiallahu anha, elle dit: ma sami'tu shay'an abada. Elle a dit: j'ai rien entendu de lui. Elle n'a même pas parlé. À part le fait de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Même pas un mot. Hein? Il n'a même pas dialogué avec moi ou essayé de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Wala sa'alani. Hein, pas questionné. Innama istirja'uhu radiyallahu anhu. Juste il disait ça. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Thumma ba'da hadha anakha ar-rahila farakibat Aisha radiyallahu anha fantalaqa biha yaqudu Aisha, hein, wa Aisha radiyallahu anha rakiba 'ala ar-rahila. Après cela, il a fait braquer sa monture. Aisha radiyallahu anha, elle est montée et lui il tirait la monture. Il marchait et il tirait sa monture. Devant la monture il marchait, et Aïcha elle était derrière sur la monture, hein, elle était montée sur le dromadaire jusqu'à ce qu'ils aient rejoint les soldats, l'armée, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, quand est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont arrivés et ils ont rejoint l'armée au moment de Al-Zahira, yani où est-ce que le soleil était à son zénith, c'est-à-dire où est-ce qu'il faisait le plus chaud de la journée. Où est-ce qu'il faisait le plus chaud de la journée? Comme جاء في الرواية بعد ما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة, يعني في وقت شدة الحر وكانوا كأنهم نزلوا للقيلولة. Il dit dans ce, yani il est rapporté dans ce hadith, ils les ont rattrapés au moment où est-ce que le soleil était le plus chaud. C'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés à ce moment-là pour, eh bien, faire le qaylou, là, faire une sieste, pour se reposer. Parce que le soleil était, hein, à son endroit le plus élevé, donc il faisait très très chaud. Ils se sont arrêtés pour, hein, se reposer. فَقَالَتْ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ إِبْنُ أُبَيِّ إِبْنِ سَلُولِ. Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: après cela a parlé celui qui a parlé sur moi, mais celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande partie de la calomnie, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ra'sul munafiqin, qui était le chef des hypocrites. Alladhi laysa hammuhu illa itharat al-fitan ou al-fitna. Et lui, son seul but, c'était quoi? C'est la propagation des troubles parmi les musulmans. فَقَدْ مَاذَا لَمَّا رَأَى عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ عَلَى الْرَاحِلَةِ وَكَذَلِكَ رَأَى صَفْوَانَ يَقُودُ هَذِهِ الْرَاحِلَةِ أَثَارَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَصَلَ مِنْهَا مَا حَصَلَ مَعَ صَفْوَانَ حَشَاهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَحَشَى صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu Aïcha رضي الله عنها sur la monture et que Safwan tirait la monture, eh bien, il a dit que entre Safwan et Aisha radhiyallahu anha, il s'est produit, eh bien, l'adultère, iyadan billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, lui donne ce qu'il mérite. فَقَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةِ فَشْتَكَتْ. Donc, il les a accusés. C'est lui qui a ramené et chargé la plus grande partie de la calomnie, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Quand il les a vus comme ça, c'est lui qui a commencé à propager la fitna, les troubles et cette calomnie. Ensuite, elle dit: nous sommes retournés à Médine. Nous sommes arrivés à Médine et elle s'est plainte et elle est tombée malade. Radiallahu anha wa ardaha.

Yani, elle ne se doutait de rien, hein, de ce que faisaient eh bien, les gens des hypocrites, hein, et la propagation qu'ils avaient fait de cette calomnie et le fait qu'ils aient yani, parlé sur son honneur, radiallahu anha, elle ne se doutait de rien. Elle était malade pendant un mois. بعد ذلك خرجت شفاها الله تعالى ونقحت من هذا المرض يعني شفيت وبرأت. Après cela, ولله الحمد, par la grâce d'Allah عز وجل, elle s'est sentie mieux. والحمد لله. فخرجت مع أم مصطح. Après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie avec une femme qui est une proche de sa famille, Umm Mistah. Umm Mistah, sahabiya, jalila. Wa hiya bintu Abi Ruhm, ibn al-Muttalib. Hadi sahabiya, hiya Umm Mistah. Donc cette femme compagnon, qui est Umm Mistah, elle avait un fils qui s'appelait Mistah, radiallahu anhu, qui a assisté à la bataille de Badr. Qui a assisté à la bataille de Badr. Et donc elle est sortie avec Aïcha radiallahu anha, Umm Mistah, wa kanu yuridun al-khuruj li qada' al-haja. Et ils voulaient faire leurs besoins. Parce qu'à l'époque, les femmes, quand elles voulaient faire leurs besoins, elles y allaient de nuit. Elles y allaient de nuit, elles allaient à l'écart pour que personne ne les voit. Et de nuit pour que personne ne les reconnaisse. Fa kanu la yakhrujun illa fil layl. Ils sortaient pour faire besoin que la nuit. Wa dhalika qabla an yattakhidhu al-kunuf. Et ça avant que, eh bien, ils ne prennent des endroits spécifiques qu'on peut appeler aujourd'hui l'équivalent de toilettes. À l'époque, il n'y avait pas de toilettes, c'était fil khala. Ils allaient loin des yeux des gens et ils faisaient leurs besoins. Donc, elle est sortie avec Umm Mistah. Elle est sortie avec Umm Mistah pour faire leurs besoins. فخرجت في الليل تريد أن تقضي حاجتها مع أم مصطح. Donc, elle est partie pour faire ses besoins avec Umm Mistah loin. فخرجوا في الطريق وهم قافلون وراجعون. Et quand ils revenaient sur le chemin, سقطت أم مصطح وتعثرت بسبب مرطها. أم مصطح, elle est tombée à cause de sa robe en laine. Elle a marché sur sa robe en laine, elle est tombée. فلما سقطت قالت أم مصطح تعس مصطح. Quand elle est tombée, أم مصطح, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit malheur à مصطح. Malheur à Mistah. Aïcha radiallahu anha, quand elle a entendu cette parole, elle a été étonnée. Comment, yani, en tombant, juste pour, elle est tombée et elle a souhaité le malheur à son fils, Mistah. Liannaha kalimata ta'isa, ma'naha lazimahu shar. Yani, elle souhaite le malheur, elle souhaite le mal à son fils. Cette parole, elle a plusieurs significations. Mais à la kulli hal, la signification principale, c'est souhaiter le malheur à quelqu'un. Et le fait d'invoquer contre quelqu'un. فَقَالَتْ لِأُمِّ مِصْطَحْ بِئْسَ مَا قُلْتِ. Elle dit, mais quelle mauvaise parole que tu dis là. أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. Elle lui dit, est-ce que tu insultes un homme qui a assisté à la bataille de Badr? يعني كَأَنَّهَا تُنْكِرُ عَلَيْهَا لَمْ تَقُولِينَ هَذَا. Hein, c'est comme si eh bien, elle l'a réprimandé. Tu ne dois pas dire ça. Ya Umm Mistah, ton fils, il a fait la bataille de Badr. Tu n'as pas à dire des choses comme ça sur les gens qui ont assisté à la bataille de Badr. C'est une chose qui ne se dit pas. Ala ta'lamin anna ibnaka aw ibnaki Mistah qad shahida Badra. C'est pas que il a assisté à la bataille de Badr, ton fils. Walladhina shahidu Badran lahum min al-karama. ولهم من الخير والفضل وقد جاء الحديث المشهور اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني lui dit, tu n'as pas à dire ça et tu ne sais pas que ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, ils ont un honneur et ils ont une place et un rang élevé auprès d'Allah azza wa jall. Et le hadith est connu, hein, où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, Allah azza wa jall vous a pardonné. اصنعوا ما شئتم. والحديث il est connu. فماذا قالت لها أم مصطح؟ Alors أم مصطح lui a répondu. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? فقالت لها أيهنتاه. أولم تسمعي ما قال هنتا. En fait c'est un mot qui veut dire pauvre sotte ou naïve que tu es. Hein? N'as-tu pas entendu ce que Mistah dit sur toi? Elle lui a dit ça. ألم تسمعي ما قال أم مصطح هذه هي خالة أبي بكر الصديق. أم مصطح سلا تونت ماترنيل دو أبو بكر رضي الله عنه. فمصطح له قرابة من أبي بكر. مصطح il est proche d'Abu Bakr. Puisque c'est son cousin. C'est le cousin d'Abu Bakr مصطح. Et il est proche de عائشة رضي الله عنها. فقالت لها أي هنتاه. Pauvre sotte. Et la pauvre sotte, comme on a dit, c'est une femme naïve qui ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Elle lui a dit ces mots-là. أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالْ. N'as-tu pas entendu ce qu'il dit مِصْطَح. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَذَا قَالْ. عائشة lui demande, qu'est-ce qu'il dit? مَذَا قَالْ مِصْطَح. فَأَخْبَرَتْهَا بِالْخَبَرْ. أَخْبَرَتْهَا بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ. Et là, elle lui a dit, les gens calomnient sur toi et disent que tu as commis l'adultère avec Safwan. قالت عائشة رضي الله عنها فزدت مرضا إلى مرضي. Quand elle a entendu ça, eh bien, sa maladie est revenue. Elle allait mieux un petit peu et là, eh bien, ça a chuté. اشتد المرض مع أنها بدأت تبرأ. La maladie s'est amplifiée malgré qu'elle commençait à aller mieux. وارتفع عنها هذا المرض لكن لما سمعت هذا الخبر اشتد عليها المرض. Donc il commençait à partir, cette maladie, elle commençait à partir. Et quand, eh bien, elle a entendu cette information de la bouche de Umm Mistah, eh bien, elle est retombée malade encore plus que elle ne l'était auparavant. رضي الله عنها وأرضاها. وأن هذا البلاء لا شك أن هذا البلاء فقد ابتليت رضي الله عنها بهذا هذا الذي نزل بها كيف لا وهي الصديقة رضي الله عنها هي صديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها كانت والله بريئة وقد برأها الله عز وجل وقاذفها عبد الله بن أبي ابن سلول وهو الظالم وهو المفتري وهو الذي قد بلغ أذاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه إلى عائشة نفسها رضي الله عنها أو عنهم وأرضاهم. Et donc cette épreuve avec laquelle a été éprouvée Aïcha رضي الله عنها, eh bien c'est une épreuve énorme qui lui est arrivée en réalité. Alors que c'est la véridique de cette communauté. La fille du véridique de cette communauté, c'est la mère des croyants. Et c'était la bien-aimée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et par Allah, azza wa jal, elle était innocente de tout ce que pouvait dire à son encontre Abdullah ibn Ubay, ibn Saloul, qui était injuste, qui était un calomniateur. Et le tort qu'il a causé à Aïcha, radiallahu anha, il ne s'est pas arrêté seulement à Aïcha. Il s'est propagé au prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est propagé également à ses proches, Abu Bakr radiallahu anhu, le père de Aïcha, et à Umm Ruman qui était la mère de Aïcha radiallahu anha. Donc cette épreuve, elle a englobé plusieurs personnes et pas seulement Aïcha radiallahu anha. إذن هذه لما سمعت الخبر عائشة رضي الله عنها تأثرت. Donc elle a été touchée Aïcha radiallahu anha quand elle a entendu cette information. وازداد مرضها. Et sa maladie s'est amplifiée. فرجعت الى البيت. Et donc il est revenu chez elle. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu la voir. Il a salué et il lui a dit comment allez-vous? Comme c'était son habitude depuis un mois. فقلت له اتأذن لي ان آتي ابوي. فقالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما